Le nez d'un notaire, roman de Edmond About, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creativecommons.org.